On peut plus voyager. On peut plus voyager. Ben, de pays en pays, de train en train, de port en port. Mais au moins, on peut le faire dans notre tête. Aujourd'hui, monsieur est fâché, là. Il est fâché. Aujourd'hui, le lundi 29 juin 2020, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Non, notre tournoi, on sait pas où ça s'en va, là. On sait pas. Moi, j'ai appelé la directrice, Jeannine. Puis, elle était pas certaine non plus, là. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, Jeannine? Ben, elle dit, je prépare des petits potés à la viande. Oh, mon Dieu! Moi, j'aime ça, des potés à la viande. Puis, moi, j'ai pas l'instinct de la cuisinière, hein? Mais quoi que la cuisinière, c'est mon petit poêle à côté. Puis quand je la regarde, ma cuisinière, je me dis, mais prépare-moi donc des bons plats. Puis là, elle a l'air à me dire, ben écoute, ça dépend de toi. Des bons plats, ça dépend, hein? C'est toi qui es la maîtresse de la tête aux fesses. T'es tout ce que je vois. Je suis tout ce que j'ai connu. T'es mon amour. La tête aux fesses, et plus ça va, le plus je suis ton ami. C'était beau. Et le problème là-dedans, parce qu'il y en a toujours des problèmes. Si c'est pas nous, c'est les autres. Puis si c'est pas les autres, ben c'est ceux qui n'existent pas et que nous inventons. Il y en a beaucoup, passionnément, à la folie. C'est tellement trépidant, qu'on veut agrémenter tout ça. Tu sais, on se dit, ah ben ouais, moi, là, j'ai des petits moments où je perds le moment présent. Et puis là, où suis-je, hein? En avant, en arrière, en bas, en haut, en mando, la tête de vilo. Connaissez-vous la tête de vilo? La tête de vilo, ça a commencé à Valbriand. Ben oui, tu connais pas Valbriand, ma petite championne? Voyons donc, toi! Il se passe des affaires, là. Si tu veux avoir une tranquillité absolue, te recueillir, chercher ton point zéro, tu sais, le côté zen, parce qu'il y en a qui sont là-dessus, là, sur la réflexion et la... Exactement! À la recherche de son moi-même. Ouais, mais là, il serait pas Valbriand, moi. Moi-même, ce serait à New York, c'est là. Parce que New York City, c'est l'endroit où on fait du show business. Pas Paris, moi, là, c'est New York City. Quand tu passes à New York City, après, ben, tu peux aller à Rome, à Paris, à Montréal, partout, à Québec, surtout à Québec. À Québec, on est à l'affût de toutes les folies. Pour ça que je reste là. Ça fait que... Il est 3h moins quart, mon Raymond. Ouais, mais je sais pas, il est 3h moins quart depuis 20 ans. Ouais, je sais, crinque, mais hey, j'ai un mal de dos, j'ai de la misère à me décrinquer. Moi. Ah, c'est la montre. Ouais, mais comment ça, c'est pas... Tu m'avais dit que c'est une montre perpétuelle. Puis là, en voulant faire ton fin finot de Bimbero, tu connais Bimbero? Celui qui a inventé la recherche absolue de l'ordinaire. Je te le conseille à la page 6, troisième paragraphe. Où il dit, dans la fanfaronnade, on y retrouve un zeste de peppermine. Ouais, c'est de l'anglais. Il aimait bien ça. Il avait peut-être des descendances françaises. Il aimait bien mêler le français puis l'anglais. Non, mais il faut le respecter. Ben voyons, il a donné au mot chagrin toute sa noblesse. Parce qu'il disait continuellement à ses 6 femmes, parce que, bon, il voulait se divertir, là. Ah, il faut pas porter des jugements, là. Vous êtes des jalouses, puis des jaloux, là, hein? Hey, 6 femmes. 6 femmes, voyons donc, 6 femmes, moi, de misère. J'en ai une, de misère à l'enduire. Une, mais hey, une vraie, moi, là. Je pense que j'ai pris la femme qui a été triple femme dans sa vie de femme. Tu sais, celle qui a jamais voulu de se débarrasser, hein? Elle voulait jamais se débarrasser de tout ça. Puis, hey, tu lui dis bonjour, mon amour. T'en as pour 4 à 5 heures de discours, de monologue, j'aime mieux le monologue, de monologue. Puis là, il faut juste à des petits moments que tu interfères en disant « Ah oui? Ah ben, merci. » Mais il faut vraiment savoir les placer, là. Puis moi, je suis pas un comédien, moi, là. Moi, je suis un bûcheron. J'embûche, tu vois. J'embûche, là, de la violence interne, puis j'embûche. Oh, des petites branches, c'est rare, parce que c'est comme couper un cure-dent, là. Ah non, nous autres, c'est des biodégradables. Tu les regardes, puis ils fendent tout seuls. Pas compliqué, ça, là, hein? Là, je me fais plus des bras, je me fais de l'intelligence. J'avais juste un petit poids, mais là, il est rendu gros. Plus gros que ma tête. Là, je me demande souvent, là, comment faire pour diminuer tout ça ou augmenter le reste. Parce que l'interne, là, ça peut plus se gonfler à un moment donné. Mais la tête, oui. Fait que là, j'ai décidé. Ouais, ça va bien, vous autres. On part là-dessus. Ben oui, mais on a le fil Ariane. On y va, Simonac. Ça fait que là, j'ai décidé d'écrire une chanson. Mais innocente, là. C'est pour la radio. Innocente, là, mais la radio commerciale. Parce que c'est quoi, RL choisit la meilleure musique, là. Fait que là, tu sais, une petite chanson imprécise, là. Puis là, je me suis dit, je chanterais pas ça, moi, là, avec la voix que j'ai, là. Je vais choisir, moi, je vais faire des rencontres artistiques. Faut préciser, moi, écoute, moi, je suis juste artistique. Moi, je suis avec Yolande depuis 53 ans. On s'aime de loin, mais on s'aime, là, depuis ces 2 mètres. Je l'aime de plus en plus. On se touche plus, on se parle plus, bon. Mais là, j'ai dit, on va faire des rencontres. Les casting. OK, casting. Il y a un terme en français, là, mais ça me bloque l'horizon, là. C'est sûr, ils ont mis 2 bâtisses en avant de mes yeux. On m'a dit, c'est des lunettes. Ben oui, mais on m'a jamais dit, faut que tu nettoies ces lunettes-là. Dans un bal masqué, je l'ai rencontré. En prince de charmant, j'étais habillé. Et en cendrillon, en mini-jupe, avec bien sûr en plus des lunettes. Dansez-vous le menuet, je lui ai demandé. Elle me dit si vous voulez, je veux bien essayer. Je prise Cendrillon par la main et lui dit d'enlever ses lunettes. Oh comme elle dansait bien, oh comme elle dansait bien. Je commençais à être soufflé et je voyais minuit approcher. Entre 2 whisky, elle m'a expliqué qu'un peu avant minuit, elle disparaîtrait. Elle partit comme elle l'avait dit, mais elle oublia ses lunettes. Jusqu'au petit matin, je la cherchais en vain. Je fis tous les cafés du coin, j'allais voir tous les opticiens. Aux objets trouvés, je l'ai rencontré. Elle s'est jetée dans mes bras et m'a embrassé. porte et tes lunettes. Ça fait exactement 3 ans et demi que j'ai mes lunettes pas nettoyées, pas enlevées, dors avec son tout croche. Comme moi. Hey, moi, je me réveille croche. Je dors croche. Je parle croche. Je marche croche. Je roule croche. Je serais bon sur une partition de musique, moi. Ben oui. Noir, noir, croche. Deux croches, deux croches, deux croches. Noir, blanche. J'ai une connaissance musical, moi, c'est musical. Juste musical. Ça fait que là, j'ai dit pour lancer ma chanson, on lâche pas la chanson, là. On va faire des rencontres. Ça fait que là, ça se peut, parce que j'avais quand même un profil. Parce que je sais un peu comment mon succès va naître, là. Faut que ça soit épatant, explosif. Parce que je voulais que ce soit féminin. Mes textes, moi, sont très féminins. C'est « Anything a man » Voilà. Alors, ça peut pas être « Anything a man » Je voulais pas faire de métal. Tu sais, je voulais commencer doux. Puis après ça, rentrer dedans. Down in Chinatown, the year of the car. So the silver bell put it in high. This is full of money, not full of gold. Soon she'd be full of hope. I'm full of hope. She was a kung fu gal, kung fu gal. Got the address of Eliza Kennedy's. And that's a maid of some assistance, please. She took him to the secret door. He was kissing the floor. Damn, no, much more. She was a kung fu gal, kung fu gal. Dapple, dapple, hecking you. In a flash of recollection of Oriental pride, she grabs at her side. And I just get on now. But at the next call's quite a shock. And she's standing looking at the door. He was to the floor. Much more. She was a country girl, country girl. Confess, sister, I wanna get close to you. Projet. Ça fait que là, je rencontre plein de monde, des filles, puis dépendant, l'âge n'avait pas d'importance, c'était la voix. Je voulais une voix qui se situait entre 18 et 19 ans et 3 quarts. Find me the days of love and torment, the nights of rock and roll. I see it all before me. Down in green pastures. Leave with me beside the still waters. Just leave with me beside the still waters. towards my soul. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, just love with me. Hey, Lord, I'm waiting for you. Oh, God, I'm waiting for you. Waiting to open your 98 wounds and bleeding, bleeding. be playing guitar. Every night, and to be that figure. And the spiders from my you can play the left hand. Scared and me song, and I to find then I make a fence. He became a special man. The leader to be spared. Ouais, l'amour dans le rock, là, moi, j'ai rien contre, hein. Mais il y a aussi l'amour dans le plastique, dans le rustique, dans le synthétique, dans la poésie contemporaine, Paul Lorraine. Oh non, c'est une femme que j'admire énormément. Il faut demander à Robert. Hey, Robert, il est tellement synthétique au niveau du cheveu, là, que ça frise le ridicule depuis 60 ans. 60 ans de ridiculisme à travers son cuir chevelu qui le chatouille autant que toute sa générosité et surtout sa fougue de rocker, parce que c'est un rocker. Hey Robert, c'est pas un rocker, là, c'est un chanteur de musique, oui. Un chanteur, hey, moi, j'aimerais ça, moi, être un chanteur de musique, madame, oui. Ça. Est-ce qu'on peut étudier ça, le rock'n'roll? Oui! On peut étudier le rock'n'roll au Québec. Le rock'n'roll n'est pas donné uniquement aux adultes. Les enfants peuvent commencer à jouer. Ben oui, c'est ce que j'ai vu, là. Une émission de en plusieurs séries. C'est une école avec plusieurs musiciens, chanteurs. De la palette, je pense, c'est 8 ans, 13 ans. Et puis, ils font plusieurs stades. Ça veut dire que si tu joues de la basse, OK, tu vas jouer de la basse, mais après ça, tu vas te mettre à la guitare, à la trompette, à la voix, à l'intonation. C'est merveilleux. On appelle ça l'ouverture sur le rock and roll. On va avoir des rockers bientôt, là, intellectualisés. Ben, il y en a plein. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais on fabrique des rockers. C'était dangereux. C'est la cloche et j'accroche un bel accord trombleur. Rien de trop prétentieux, rien de trop sérieux. Je m'en vais tout leur montrer que je suis pas trop vieux. Pourtant, je suis un gars qui est pas tellement peureux. Rien de trop prétentieux, rien de trop sérieux. Avant de te leur montrer que je suis pas trop vieux. Me peigne des mots sur une ligne de dos. We'll be right back. aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, le lundi 29 juin 2020, l'errance, les errances rénaldiennes pressantes. Ça fait peur, hein? Aujourd'hui, le lundi 29 juin 2020. Aujourd'hui, le lundi 29 juin 2020. Faut dire 2020. Arrête de dire 2020. Mais j'aime ça, 2020. C'est plus simple. 10-10, j'étais pas là. 30-30, je serais pas là. Fait que 2020, ça me communique très bien avec ce que j'aime divulguer auprès de mes amis qui sont ici à l'écoute. Et c'est beau, c'est précis. C'est très précis. Je l'ai dit précis. Préciser le mot précis en 50 fois. Précis, précis, précis, précis, précis, précis, précis, précis, précis, c'est beau. Alors, avant de préciser trop de précisions, il faut préciser que nous sommes dans une emprise où la prise ne tient même plus la discussion. Alors, c'est le temps de vous dire qu'aujourd'hui, les errances rénadiennes présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Ben oui. Laissons sur la chaussée les valises trop longues. Ben moi, mes valises sont tellement longues là, que je les déchire à volonté. Puis je demande à un professionnel de la scie, parce que moi, j'ai de la misère à prendre l'harmonica. Imagine-toi donc, une scie. Une scie sauteuse. Hey, monsieur, ça part de toute à droite, à gauche, on sait plus où ça s'en va. Ça rippe, ça déripe, ça rippe, ça déprime, ça frime, ça défrime. En tout cas, on sait plus ce que c'est. Ça fait quel âge j'ai dit, vas-y. Vas-y avec ça. Il a rien compris. Il est parti en criant. C'est un fou. Arrêtez-le. C'est ça, la vie. Alors, c'est presque beau, là. Aujourd'hui, le lundi 29 juin 2020, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Ben oui, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la journaliste, de la dame qui adore les artistes et de l'écrivaine Stéphanie Berbi. Alors, tout le reste sera 100% franco. Fun pour son magazine qui s'appelle, ben vous le saurez dans quelques secondes. Du vent dans la tête des cicales, les brillants de la fête se regardent. Tiens-moi bien le cœur. de silence se promène, laissant tomber en présence qui aime et regarde nos émotions. Quand flotte sur la rue des âmes, si forte que l'eau. Un magazine, j'ai pas le tout dernier, je l'avais plus sous la main. Ok. Donc voilà, donc je t'ai pris l'avant-dernier, celui spécial 15 ans, avec des petits stickers. Ah, mais Bertrand Berlin, que j'ai rencontré. Oui, j'ai vu que tu l'avais rencontré, ouais. Qui est à Québec. Qui est à Québec en ce moment. Non, non, mais là, il est parti, là. Après ouais. ça, il allait à Tadoussac. Bah, d'accord, sais, ouais, ouais, courant, ouais. Ben, t'as écrit le... Mais, merci, ah oui, des petits collants. Donc, je vais appliquer ça sur mon ordinateur. Ben, voilà, tu peux en mettre où tu veux, dans ta radio. Alors, tu es une fan, Stéphanie, de chansons françaises? Oui. Ou de chansons en général? Alors, à la base, je suis une fan de musique. Okay. Et j'aime... En fait, au début, j'écoutais plutôt des anglo-saxons, enfin, quand j'étais jeune, machin, avec toujours en fond des parents qui écoutaient Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Dalida, tout cela, et puis Georges Brassens, Léo Ferré, Jacques Brel. Et moi, après, ado, j'ai écouté plutôt Metallica, Sepultura, Oui, ok, etc. C'était quand même éveillé, là. Oui, oui, voilà, c'est ça. Après, bah, je suis revenue à la chanson par Lofofora, qui est un groupe de métal français oui. qui écrit très bien. Est-ce que le groupe existe encore? Parce que moi, Le Fofora existe encore. Parce que ça, c'est quoi? C'est dans les années fin 90, hein? Ouais, tout à fait, ouais. Que je connais très bien. Et ils existent, là, ils vont ressortir un album. Ils ont sorti un album en acoustique l'année dernière. Ça marche super bien. Et je suis revenue au texte grâce à eux, en fait, à la chanson à texte. Mais quand tu dis que le groupe existe, il a toujours existé ou il s'est arrêté pendant un moment? Non, il a toujours existé. Parce qu'à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une certaine tranquillité. Depuis 2015 jusqu'à maintenant, j'ai plus trop entendu parler. Si, ils ont sorti, ils ont sorti des disques. Après, il y a eu le Bal des Enragés, où avec... Il y avait le chanteur de Lofofora et d'autres groupes, là, qui Tagada Jones, machin, ils ont fait leur truc. Mais Lofofora n'a jamais arrêté d'exister pour autant. Mais bon, après, comme tous les groupes, ils font à un moment des petits projets parallèles. Mais... qu'est-ce qui t'a amené à la musique, hormis le fait que t'en écoutais? Eh bien, en fait, moi, depuis que je suis toute petite, quand j'étais petite, j'animais une émission de radio du fin fond de ma chambre. Donc, en fait, mon rêve, c'était de faire de... C'était une fausse radio. J'avais une chaîne karaoké. Avec mon magnéto, mon micro, et je m'enregistrais. Je ouais, c'est vrai. Oh, je faisais des émissions de radio. Ben voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, j'ai toujours rêvé de faire du média musical. J'étais journaliste musical. Et en fait, j'ai commencé par une petite radio qui s'appelle Radio Néo. Qui est un peu grossi. Qui est une radio libre. Qui est une radio libre, indépendante, associative à Paris. Et voilà, et ça m'a permis de rentrer en école de radio, de faire des stages. T'as fait une école de radio. J'ai fait, en cours du soir pour faire des stages à RTL et à RFI, pour avoir des stages en fait. Juste pour avoir des conventions de stages et rentrer dans les médias. Mais le fait de faire une radio communautaire, c'est une école en soi. C'est une école en soi, exactement. T'es pas obligé de faire des écoles. Non, là, c'était pour pouvoir rentrer dans des plus grosses radios et avoir le papier qui permet. Parce qu'il fallait être étudiante pour pouvoir faire des stages. En fait, tu voulais en vivre. Voilà, exactement. Parce que radio libre, on n'en vit pas ou très peu. Ah ben non, j'étais bénévole, j'étais serveuse à côté, etc. Ça m'a permis de faire des stages. Et puis, en fait, à un moment, j'ai rencontré Francophane, le rédacteur en chef de Francophane, à Radio Néo. Et puis, j'ai commencé à écrire aussi bénévolement. Et j'ai pris du plaisir, en fait, avec le format écrit. Parce que, on a le temps, en fait. C'est un autre format, on a du temps, on peut discuter. Et à un moment, ils ont eu besoin de recruter une nouvelle personne à Paris, puisque la rédaction n'était pas à Paris. Et comme moi, j'avais déjà mon réseau par Radio Néo, Radio Néo, c'était aussi une radio de découverte de talents, de chansons françaises, radio libre. C'est la première que j'ai faite, celle dont je parlais. Et du coup, voilà, et ils ont fini par me recruter. C'est comme ça que je me suis retrouvée il y a presque 12 ans maintenant à Francophone. Mais lorsque tu rencontres un artiste et que tu dois préparer un papier, parce que je discute avec des amis de Rock & Pop. J'ai des amis qui sont dans ces produits-là. Est-ce que tu crains de ne pas rendre compte de l'exactitude de ce que la personne voulait te dire? Est-ce que ça te revient souvent de « Ah, mais c'est pas ça que je voulais dire » et... Non, parce que moi, je préfère éclaircir un point, si je suis pas sûre. OK, avant qu'on s'explique. Oui, okay. Alors je leur fais pas relire les papiers avant publication. Non. Par contre, s'il y a quelque chose qu'ils me disent où je suis pas sûre d'avoir bien compris, je préfère leur dire « Ouais, est-ce que tu dis bien ça ?» Parce qu'en plus, parfois, le format oral, c'est pas la même chose. Quand on repasse à l'écrit, on change un peu, on garde ce qu'il dit, mais on essaye de faire un style un petit peu plus écrit. Donc, On dit aussi, mais ça, là, j'aimerais ça que t'en parles pas. On discutait comme ça, et dans la foulée, je t'ai dévoilé quelque chose que... Oui, mais ça, en général, ils le disent. Okay. Alors ça, on n'en parle pas. Mais toi, tu le sais. Moi, je le sais. Et après, nous, on n'est pas un journal à chercher le scandale, non, etc. Non, mais... Donc, s'ils nous disent « ça, t'en parles pas », eh ben, je le garde de côté. C'est mon petit secret. En dehors de ça, si on t'invite à une émission de radio puis tu sais que quelqu'un t'a dit ça, tu ne balanceras pas. Non, ouais. Tu vas garder ça pour toi. Je garde ça pour moi. Ouais. Ouais, parce que... C'est pas la vocation du magazine, on n'est pas une presse à scandale, on est là... D'ailleurs, il y a des artistes, même connus, qui aiment bien venir chez nous, parce qu'ils connaissent notre bienveillance. Là, le dernier numéro, la couverture, c'est Maxime Le Forestier. Il aime bien Un très bon disque. Hein. Voilà, un très bon disque, un chanteur assez magnifique. Et du coup, il aime bien la bienveillance du magazine. Et c'est pour ça qu'il accepte l'interview. Alors qu'il n'a pas besoin de francophones pour faire sa promo, qu'il a tous les grands médias, toutes les grandes radios. Ouais, et que nous, on reste un petit magazine. Mais il aime bien parce qu'on a le temps. C'est des longues interviews. Et puis, il sait qu'on ne va pas le trahir. Quoi, et voilà. Puis, l'ambiance aussi. Oui, voilà. De la revue ou de cette rencontre-là. Donc, c'est ça, on est sur le texte, on parle de. Voilà, on parle pas de vie privée, alors de temps en temps ça vient, mais sinon on n'est pas sur la vie privée, sur qui couche avec qui, donc voilà, donc peut-être qu'on vend moins à cause de ça, mais en même temps on est fiers et on est intègres, exactement. Et on peut dormir sur nos deux oreilles sans gâcher la vie de qui que ce soit, et ça c'est important. Effectivement. Mais dans la musique, il y en a tellement de musique, il y a tellement de groupes qui naissent et qui meurent aussi rapidement. Toi, tu dois en écouter beaucoup de musique, tu en reçois plein de musique de... Oui. En fait, nous, on reçoit environ... Alors, le magazine, d'une manière générale, on reçoit par numéro, on a un numéro tous les deux mois. Par numéro, on reçoit environ 250 disques, on en retient maximum 50. Mais là, 250 disques, est-ce qu'ils dispersent ça aux journalistes? Toi, tu vas... Alors oui, moi je ne suis pas rédacteur en chef, je suis plutôt à la communication, etc. Donc j'en reçois aussi pas mal de mon côté, parce que les... Alors tu les écoutes? Moi je les écoute, ouais, on écoute tout. Et c'est toi qui vas les remettre à d'autres... C'est le rédacteur en chef. Okay. C'est le rédacteur en chef. Après moi je lui dis, ah tiens, j'ai écouté ça, j'ai bien aimé, machin, enfin... J'écris aussi dans le magazine. Ouais, mais c'est plutôt le rédacteur en chef qui après va répartir dans l'équipe, il envoie des liens d'écoute et puis l'équipe choisit ce qu'elle veut. Mais c'est vrai qu'il n'y a que lui qui écoute vraiment tout. C'est lui qui reçoit vraiment tous les disques. Moi, j'en reçois pas mal. Et il écoute tout. Après, on n'écoute pas. Et je propose, voilà. Et après, je sais qu'il y a des disques qu'on ne va pas les écouter en entier. Si au bout de la deuxième chanson, troisième chanson, on se rend compte que ça ne va pas, que ça chante faux, que ça ne joue pas bien, que machin, qu'objectivement, ça ne passe pas, parce qu'il y a des critères objectifs quand même, on laisse tomber. Après, on va au-delà de ce qu'on aime. Moi, par exemple, je ne suis pas une oreille très sensible au hip-hop. Par contre, je saurais dire si le hip-hop est bien fait ou pas. Et là, je dirais, ah tiens, celui-là, il est quand même plutôt bien fait. Et je retransmettrai à celui qui est spécialiste du hip-hop. Et toi, tu es spécialiste de chansons? Alors moi, j'aime... Alors, c'est un peu débile à dire, mais j'essaie de pas mal défendre les femmes qui chantent. Parce que je trouve qu'on les met pas assez en avant d'une manière générale, et c'est le tort là, du magazine. Pas des grands noms comme Brigitte Fontaine, Oui, non, mais voilà, là, je viens d'interviewer Jeanne Chéral. Voilà, j'ai rencontré moi aussi. Ouais, elle est. Mais il y a longtemps, elle était enceinte. Ah oui, c'était il y a 3-4 ans ça, 4 ans. Ouais, 4 ans. Et moi je l'avais déjà rencontrée une fois à la sortie de l'album L'eau. Et c'est vrai que j'ai une tendance. Moi c'est mon préféré, je crois que ça reste mon top 10. Elle chante Quand c'est non, c'est non. Non, ça c'est dans Charade, je crois, c'est celui d'après. Bah, c'est celui-là où tu as dû l'interviewer. Ouais, exactement. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Donc je trouve qu'après, quand on regarde l'affiche des festivals, alors peut-être qu'au Québec, ça s'est un peu rééquilibré. Et encore, l'année dernière, j'étais au Franco de Montréal, il y avait quand même encore une majorité d'hommes, je pense, d'hommes qui chantent. Bah oui, c'est partout. Ouais. Et voilà, moi j'aime bien, parce que les femmes finalement ont un engagement que les hommes n'ont plus encore à l'heure actuelle. Bah, justement, une femme comme Jeanne Chéral qui chante quand c'est non, des choses comme ça, c'est fondamental à mettre en avant. Je reste quand même un petit peu rock, rock'n'roll, métal, etc. Puis chanson. J'ai vraiment une sensibilité sur le texte en fait. J'aime bien quand ils ont des choses à dire en fait. Et toi, de ton côté, en écriture des textes ? Alors moi, j'ai écrit un livre. Oui, mais je veux dire des textes de chansons. Mais pas du tout. Les textes de chansons, hein, oui, plus ou moins. Non, ouais. Parce que dans le titre, c'est très... Oui, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est, en fait, c'est un parcours de femme, on va dire, un parcours de femme célibataire de 35 ans qui rencontre que des salauds et qui, à un moment, fait le point et se dit, si je rencontre que des salauds, c'est peut-être que le problème vient aussi de moi et que je les laisse me bouffer. Donc voilà, c'est un parcours thérapeutique, etc. Au même titre que les femmes qui sont violentées, étrangement et règle générale, ça monte toujours vers des hommes violents. Oui. Attirer ce genre d'énergie-là. C'est ça. Et donc, à un moment, il faut savoir se remettre en question et se dire, mais si j'attire que des salauds, c'est peut-être parce que je ne vais que vers eux. Et voilà. Et en fait, j'avais fait le point. Et oui, je me rendais compte que les mecs bien, je les fuyais. C'est une écriture, en fait, qui vient de toi. C'est une écriture très propre. Ah oui, carrément. Ouais, c'est vraiment. Mais le format chanson, ce qui est marrant, c'est que j'arrive pas. Enfin, j'en ai écrit quelques-unes, mais je suis jamais contente de ce que j'écris. J'arrive pas à passer cette espèce de cap. J'en rêve hein, d'écrire des chansons. C'est drôle d'en écouter autant et de pas savoir. C'est ça le problème aussi. Là, oui. T'as pas laissé calmer le niveau d'eau et c'est encore. C'est exactement ça, ouais, peut-être. T'en écris, toi, des chansons? Bon, j'écris des textes poétiques. Ouais. Mais c'est de laisser aller le niveau d'eau un peu descendre et puis prendre ce qui est limpide et non pas tout ce qui est embrouillé par. Et aujourd'hui, les femmes qui chantent, il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Tu parlais de femmes qui chantent. Bah, il y en a, mais disons que c'est toujours pareil. Pour tu connais Garance, qui n'est pas très connue. Garance, oui, on est très copines en plus. Il y a Garance, il y a Gervaise actuellement, il y a Gervaise Germani, quoi, qui est Il y a Pauline aussi, Paris. Pauline. Oui, il y a toute une Stéphanie. Est-ce que c'est Paris ou Paris? Parce que je ne sais pas la rencontre. Moi, je dis Pauline Paris, je crois. Paris, oui, moi aussi. Il me semble que c'est elle Pauline. Elle est extraordinaire, Paris. Pauline Paris. Ouais, elle fait son petit bonhomme de chemin aussi de son côté. Elle, sa force, c'est son interprétation presque brélienne. Oui. Dans la chanson Carousel, tu connais un peu. Ouais, carrément. Oui, puis c'est marrant. Alors, il y a un côté un peu. Entre pas ringard, mais très old school et tout. Elle est un peu dans le cliché de la chanson, mais c'est tellement assumé que voilà, elle le fait bien. Il y a Fanny Depoule en Suisse qui est super aussi. Fanny Depoule, que je te conseille. P-H-A-N-E-E, D-E-P-O-O-L. Elle est-tu un ami Facebook? Elle doit être sur mes amis Facebook, c'est Fanny Dickerson, un truc comme ça. Okay. Je te renverrai si tu veux. Vraiment. Voilà, c'est une Suissesse qui est vraiment fabuleuse aussi, qui a sorti un album pour l'instant et qui marche bien là-bas. Il y en a quelques-unes. Au Canada, il y a Françoise Breut, puis au Canada, au Québec, il y a quand même toute une scène aussi. Safiane Olin, tout ça qui aussi ont. Ariane Moffat, qui est très connue, qui est là depuis un moment. Grâce à Mathieu Chédid. Parce que Mathieu Chédid l'a rencontré à Montréal. Elle avait, je vais te raconter une histoire savoureuse, elle avait comme fond d'écran Mathieu Chédid. Elle était dans un café et qui était à côté? Mathieu Chédid. Alors lui, il a passé, puis, ah, mais c'est moi! Ah, et Mathieu Chédid était hier à la dernière de Vanessa Paradis à l'Olympia de Paris. Oui. Ah, tu le savais? J'ai pas vu pour Mathieu Chédid, mais j'ai vu que Vanessa Paradis était à l'Olympia. Oui, c'est ça. Et que tu allais plusieurs soirs aussi. Puis c'était Alain Souchon avant, la veille. Donc, Et il y avait un petit conflit à un moment donné, après la deuxième chanson, entre des gens qui étaient là, mais qui n'appréciaient pas. Elle a arrêté la chanson. Elle a demandé, elle a dit, arrêtez votre cinéma, on n'est pas ici au cinéma, on est ici pour avoir du plaisir, c'est ma dernière à l'Olympia, vous n'allez jamais, vous ne brouillerez pas la vie avec vos conneries, allez faire ça dehors, puis ils l'ont expulsé, puis elle a continué son spectacle. C'est fou ça. Oui, oui. C'est fou, mais j'ai lu beaucoup de commentaires comme quoi c'était vraiment ennuyeux là, les concerts de Vanessa. Les gens s'en allaient. Ouais. Les gens s'en allaient. Mais je me suis posé la question en revenant, est-ce que c'était une mise en scène? Bah, si elle ne l'a pas fait la veille, j'imagine pas quand même. Mais pour la dernière. Ouais. Parce que quand elle a repris la chanson, elle a dit OK, ça recommençait au même endroit. D'accord, c'est bizarre. Parce que, tu sais, normalement, quand il y a un arrêt de chanson, tu la reprends au début. Mm. Mais là, non, elle a. C'est fou, hein? C'est bizarre. Après, elle manque peut-être un peu de sincérité. Je ne suis pas très fan. Ah, pas vraiment? Ouais. Ah non, elle était très, très sincère. Hein. Ouais. Pour ça. Mais moi non plus, je ne suis pas un fan de Vanessa Paradis. Mm. Moi, j'allais plutôt faire du socio-culturel, voir qui était. Mais c'était souvent le public de Patrick Sébastien. On saurait quoi un spectacle de Patrick Sébastien? Ah, c'est drôle. Ah ouais, le public frappait dans les mains, était debout. Oui, mais après, la différence d'ambiance des concerts entre la France et le Québec. Moi, quand je vais au Francophonie de Montréal, je retrouve des vrais publics, des gens qui sont là pour s'éclater. Et les Français se prennent des vraies leçons quand ils arrivent là-bas, hein. Des vraies leçons pour tenir un public. Alors qu'ici, c'est très consensuel, ça se frappe dans les mains, comme ça. Mais faut dire aussi que Vanessa, on va arrêter de parler d'elle après, mais c'est, c'est l'enfant des Français et des Françaises. Oui. C'est la petite fille des Français et des Françaises. Elle a commencé avec Joe le taxi, puis... on l'a vu grandir. Donc, c'est ça. Tout, donc, ça devient l'enfant de la France. L'enfant qui a 50 ans, Oui, mais elle paraît pas. En plus, ce qui l'aide, c'est la femme-enfant. La femme qui ne vieillira jamais. Et lorsqu'elle fait un rappel, elle change de vêtements. Puis là, dans les deux cas, là, hier et avant-hier, « Oh, qu'elle est belle, elle a changé de robe! » C'est quoi l'intérêt? On vient écouter sa chanson, on vient pas voir la parade de mode. Bah ouais, mais bon, là, c'est sa faute à elle, en fait, quelque part. On en revient toujours à ça. Est-ce qu'en tant que femme, il y a besoin de changer de robe toutes les trois chansons? Après, Johnny Hallyday, changer de tenue aussi toutes les trois. Enfin, il y a tout, en fait. Mais moi, par exemple, dans le magazine, je fais hyper attention quand les journalistes commencent à écrire la rousse ou la blonde. Et je suis là, on dit jamais le blond ou le roux. Quand on parle d'une chanteuse, il faut toujours qu'on ramène à sa couleur de cheveux, à ses tenues vestimentaires. Oui, mais voilà, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore. Non. Est-ce qu'on doit vraiment se fier au physique pour en parler? C'est ça oui, voilà, dire? C'est ça. Ouais, voilà, c'est. Pourquoi on fait pas la même chose sur les hommes? Pourquoi on dit pas le grand, le chaud? On dit grand blanc pour Pierre Richard, mais c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire, c'est exactement ça. Non, mais c'est très rare en fait qu'on en revienne aux détails physiques d'un chanteur. Donc voilà, après il y a des chanteuses, effectivement, elles vont se teindre les cheveux en rouge et ça va faire partie de leur truc. Mais, trouves-tu que c'est difficile? On parlait d'accélérer, de vieillir, parce qu'on l'a connu jeune et maintenant, ben, elle a quoi, 50 ans, elle a à peu près mon âge. Ben, c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Oui, c'est toujours pareil. On le voit dans le discours général. Elle en va moins à cause de ça, à cause du fait qu'elle vient. Peut-être, ou peut-être qu'elle n'a pas réussi à se renouveler, que son public a lâché, parce que Vanessa Paradis, elle continue d'être là. Alors, est-ce qu'elle vend autant qu'avant? J'en sais rien, mais elle est quand même toujours là. Après, Axel Red, peut-être qu'elle en a eu marre, peut-être que le star system, ça l'a fatiguée, qu'elle elle a eu envie de recentrer aussi. Parce qu'elle elle l'a arrêté parce que tu parles au passé, elle fait plus d'album. Je sais pas. Bon, franchement, Axel Red, je saurais pas dire. Je sais que j'en ai reçu un il n'y a pas si long, il y a peut-être 2-3 ans, qui n'a pas du tout marché. Et effectivement, c'est pas Pauline facile Croze pour aussi, les anciens. C'est dommage pour Pauline Croze qui essaye à chaque fois de revenir. Ouais. C'est vrai, Pauline Croze, ouais, elle fait des super choses et ça tombe à plat, il n'y a plus la place. En fait, on va pousser des jeunes chanteuses. Buzz aussi, on a parlé de François. Ouais. Non, mais c'est ça en fait, c'est qu'on va pousser des nouvelles choses. Là, il y a Suzanne, Jenna Dead, machin. On va les pousser sur 1-2 albums et puis après, allez, on les laisse. On prend place aux jeunes. On prend un nouveau produit. On jette. Et voilà, on jette comme des mouchoirs et le public est moins fidèle qu'à une époque. Avec la surconsommation de la musique, je pense que les publics sont moins fidèles qu'ils ne l'ont été. Mais en même temps, avec la mort du disque, là, les gens s'agréent beaucoup plus une chanson qu'un disque. Oui. Alors, on est loin du concept de l'homme à tête de chou où la chanson amène l'autre chanson pour comprendre l'histoire au complet. C'est le problème de Spotify. On écoute des compiles, on écoute en mode aléatoire. On a 50 000 trucs à écouter. Et puis, les artistes sont rentrés dans ce jeu-là aussi. Nous, on nous demande des chroniques pour un titre. Et moi, nous, on dit, désolé, on a 1000 caractères à écrire minimum pour une chronique. Il y a un moment où il faut qu'on ait un peu plus de matière qu'un seul titre. Il faut qu'on sache si vous êtes capable de tenir le truc sur 12 titres. Et c'est vrai que les artistes sont rentrés dans ce format-là et moi je trouve ça dommage. J'aime bien le côté, alors qu'on sent plus des disques physiques peut-être, mais en tout cas le côté qu'on me raconte une histoire, qu'il y a une cohérence. Jeanne Chéral, L'eau par exemple, c'était vraiment l'album concept où ça tournait autour d'un sujet tout en s'en éloignant un peu. Mais même là, celui qu'elle sort, qu'elle va sortir en septembre, qui s'appelle L'an 40, c'est une espèce de bilan de qui elle est, de ce qu'elle a été, c'est très centré sur elle, mais en même temps c'est toujours pareil. Mais ça parle des femmes en général. Ça parle quand même des femmes, voilà, des hommes, exactement. Mais là il y a quand même des choses où on voit que c'est très personnel. Il y a le titre Fausse Parisienne où on sait qu'elle parle d'elle parce qu'elle arrive de Nantes et qu'elle a dû s'intégrer à la vie parisienne. Mais sa sœur aussi fait de la musique. Mais sa sœur aussi, Lise Chéral, qui est super, que j'ai reçue parce qu'on fait des soirées francophones. C'est dur à démarrer de son côté. Oui. Oh, elle n'est pas là-dedans, elle peut pas rentrer Je sais pas, peut-être que c'est dur parce que justement c'est la sœur d'eux et que c'est la grande sœur a déjà pris tout l'espace. Moi j'ai adoré son spectacle, en plus là, le dernier spectacle, elle est avec une danseuse sur scène, c'est magnifique. Enfin vraiment, c'est très très beau, mais peut-être que c'est moins accessible que Jeanne Chéral. C'est ça qui était... Non, c'est fou, hein? C'est un chanteur français qui reste à Paris ici, mais qui est connu aux États-Unis beaucoup plus qu'ici. D'accord. Mais même partout. C'est marrant que le nom dit quelque chose. Éric Vincent. Ouais. Après, c'est un nom très courant. C'est, pour, ben, c'est un grand ami de Moustaki. Ils se sont écrits des chansons, Moustaki la musique. Et c'est quand même un monument, mais sauf à Paris, en France, personne ne connaît Éric Vincent, chez nous non plus. Là. Mais aux États-Unis, il fait les collèges. Ouais. Il peut faire 6 mois de tournée, il va à Pékin, il va au Groenland, il va c'est partout. Ouais. Paris, je le rencontre régulièrement ici, puis Éric Vincent ne dit rien à personne. C'est fou. Mais à Serge Levaillant, sous les étoiles exactement à une certaine époque, il l'invitait constamment. Mais là, en ayant plus ce genre d'émission-là, on ne sait plus où ils sont. Ben moi, parce que je le suis de près, je le connais. Hein. Mais sinon, on ne sait plus où sont les artistes. Il faisait en pleine nuit des spectacles. Tu connais Serge Levaillant? Oui, oui, carrément, oui. Non, alors, en n'ayant plus cet homme-là, la chanson est un peu morte aussi. Ouais. Oui, en tout cas, en n'ayant plus ce genre d'émission-là. Parce ouais. qu'après, moi, enfin, Serge Levaillant, je l'aime bien. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il a fait en mode public. Mais bon, il a une réputation aussi en mode privé qui n'est pas génial. Il était prof dans l'école dans laquelle j'étais. Et tout le monde sait que c'était quand même un peu un coureur de jupons. Donc, l'âme ne me manque pas. Mais effectivement, le format d'émission, et puis c'est surtout qu'il y a plus d'espace médiatique pour personne, en fait. On en a 2-3, on a Didier Varro qui va faire la pluie et le beau temps sur France Inter. Et effectivement, après, il n'y a plus de... Oui, oui, oui, non, mais moi aussi, il m'énerve. Mais effectivement, force est de constater que là, il arrête son émission et que ça fait encore une place en moins pour la musique sur le service public en France. Et que, voilà, et que le Canada, pont des artistes, il y a pas vraiment... Le pont des artistes. Oui, mais elle n'est plus sur France Inter non plus. Elle fait son truc dans son coin, machin, c'est très sympa, mais elle... Mais avant, elle rassemblait des artistes qui pouvaient chanter ouais. ensemble, ça c'était encore... Oui, alors que là, c'est plus, effectivement, chaque artiste a sa partie d'interview, etc., dans une salle de concert. Il n'y a plus d'osmose que non, il n'y a plus... Enfin, en tout cas, moi, les deux, trois auxquels j'ai assisté... C'était un peu décevant. Bon, après, voilà, mais le problème, c'est que c'est surtout qu'à l'échelle nationale, il n'y a plus grand-chose, quoi. Là, c'est, elle fait un truc dans une salle des Lilas, donc en banlieue parisienne. Ça va toucher 200 personnes, ou allez, on va dire, en étant large, on va dire 1000 personnes. Mais en termes d'émissions musicales, que ce soit la télé, la radio, c'est terminé. Il y avait Follen aussi, toujours sur France Inter, avec Foulquier. Ouais. Et Foulquier qui est mort, lui. Oui, mais qui a fait un album aussi. Ouais. Puis c'est ça, c'est la mort un peu des émissions qui pouvaient nous amener des artistes qu'on connaissait pas. Ouais. Oui, non, mais c'est... On a vu le début de Dominique A, on a vu le début de Bien du Monde. Mm. Puis maintenant, on ne sait même plus qui fait quoi. Est-ce qu'il est encore dans l'industrie? Est-ce qu'il a fait des albums? Est-ce qu'elle est sur scène? On ne sait plus. On sait plus. Peut-être que c'est le flou médiatique. C'est... Il y a encore les festivals, il y a quelques magazines comme nous, il y a les radios associatives, etc. Mmh. Mais c'est vrai que c'est dur. Enfin, tu vois, quand tu me dis l'Ophophora, moi, je me rappelle quand j'étais gamine, à la télé, il y avait l'émission Top of the Pops version française, que je crois qu'il existait aussi dans son format au Québec. Je sais qu'elle venait d'Angleterre. Mais voilà, on pouvait voir l'Ophophora à la télé. Il y avait Nulle part ailleurs, avec Philippe Gildas, avec un live tous les soirs, etc. Là, il y a l'émission quotidienne Yann Barthès sur TMC, qui est très bien, mais j'ai l'impression d'entendre toujours la même chose. Et puis que des trucs, gros carton mondial. Comme s'il y avait juste 5-6 groupes, 5-6 chanteuses, 5-6 chanteurs, puis rien oui, d'autre. Oui, c'est ça, ouais. Puis tout le monde a un peu le même son, ce truc un peu formaté d'électro, de machin. Enfin, il y a des fois où je sais pas si je suis un peu devenu vieux con, comme on dit, ou si vraiment il y a quand même. Son, cet électro, ça fait toujours un peu le même son. C'est un peu comme dans les années 90 avec Noir Désir, il y a eu les têtes droites, comment tu les appelais, les têtes. Les têtes raides. Non, pas les têtes raides, c'était Loki, un groupe qui ressemblait étrangement à Noir Désir. Anglais ou français? Français. Français, c'était comme Eiffel un peu. Ouais, d'accord, ouais. Ça entre Noir Désir et Eiffel, quoi. Ben, ça, ouais, exactement. Blancasse. Non, non, c'est, je pense non, que le mot tête, tête, non, tête. Ou ta tête droite, ou Loki la mer. Bon, en tout cas, j'ai un blanc. Ah ouais? Mais c'est sûr, quand Noir Désir a commencé à avoir du succès, tout le monde voulait faire du Noir Désir. Oui. Non, mais c'est toujours pareil. Moi, le magazine, il a été créé à la base pour suivre des scènes, la scène un peu trio, les ogres de Barbac, etc. Alternative. Qui avait alternative, qui n'avait aucun espace médiatique. Non. Et vraiment, ils sont quand même connus. Voilà. Et trio était très connu par le bouche à oreille ou la rue qui est à nous. Moi, je me rappelle, j'étais adolescente. Ça existe encore. La trio va fêter comme ses 25 ans. Comme le hurlevent de Léo, quelque chose. Les hurlements de Léo. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. C'est sympa. Ouais. Après, je trouve qu'ils ont un peu plus de mal à se renouveler, mais. Mais si, pas facile non plus. C'est très dur, ouais, les mecs, ils ont 25 ans de carrière. Non, mais ce que je veux dire, non, mais des fois, on se dit, ce serait peut-être pas plus mal de s'arrêter. Bon, ils ont fait une tournée autour du répertoire de Mano Solo. Là, ils ressortent un disque, ils vont retourner après le répertoire de je sais plus qui. Donc... Mais bon, voilà, ils sont toujours là. Les Ogres de Barbac, au moins, ils offrent des spectacles, ils offrent vraiment, ils font des trucs de dingue. Et le magazine, il s'est créé avec ces groupes-là. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, après, il y a eu 10 000 clones de trio, 10 000 clones de La Rue qui est à nous, 10 000 clones des Ogres de Barbac. Et voilà, et pour un très bon, il va y en avoir 10 000 de pas bons qui vont s'enfoncer dans une brèche. Et là, oui, voilà, on a quelques artistes. Là, la dernière qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Suzanne, qui est un peu électro et tout, mais qui a du texte. Bah, je pense que, voilà, il va y en avoir. Suzanne, un peu comme le Ginette, le groupe Ginette. Non, non, pas du tout. Non, mais c'est électro aussi. Ah, bah, non, mais ça me dit rien du tout, Ginette, en fait. Non, le groupe Ginette, deux filles. Ça me dit rien du tout. Non, non, ah, ben oui, c'est de l'électro français, là. Tu connais pas les Ginette? Mais pas c'est pas tout. Les Ginette, c'est Ginette. Non, ça me dit rien, en fait. Parce que Suzanne, elle est toute seule. C'est un peu comme Sexy Sushi. D'accord, ok, ouais, ça je connais. Ok, ouais. Et d'accord, ouais, non, ça, je les connais pas, Ginette. Mais tu vois, c'est ça, d'accord, où c'est là où... Sexy Sushi, si on les connaît pas sur leur site Internet, si on voit pas, on sait même pas ce qui se passe avec eux. Ouais. Oui, non, mais c'est... En fait, c'est impossible, tu vois, on s'en rend compte, mais à l'échelle du magazine, on essaye de brasser hyper large. Tu vois, tu me parles d'un groupe que tu connais, toi, du Québec, que moi, je connais pas. Même eux, en fait, c'est ça. Enfin, on est noyés. Non, non, on est Brigitte. Noyés. Ah, Brigitte, d'accord. Brigitte. Oui, ah oui, ouais, non, ouais. Oui. Oui, ouais. Parce que là, OK, là, j'ai flashé sur Brigitte Fontaine, j'aime Brigitte, ouais. D'accord, oui, d'accord, oui, Brigitte, ben, c'est électro. Ouais. Après, moi, je suis pas très fan. Brigitte, il y a un côté électro, mais c'est plus mou, je trouve. C'est... Ouais, ouais, ouais, ouais. Alors que là, elle est plus dans le truc un peu dance, machin. Ça elle ressemble plus un peu à Stromae. Ah oui, Stromae, ouais. Voilà, mais en version fille. En tout cas, voilà, ça s'active un peu. Et comment elle s'appelle? Suzanne, avec un seul N. Et elle a les cheveux rouges aussi, donc pareil, ça fait un peu partie du personnage, tenue bleue, machin. Et c'est elle qui est cette année sur le top 3 des artistes les plus programmés des festivals en France. Donc ouais, je pense que c'est une nana un peu à suivre. Mais si elle ça a combien d'albums à son actif? Elle a un seul EP, okay. Donc c'est pour ça que ça se trouve... Alors 6 titres, à peu près 5-6 titres? 4. Après, ah ouais. Oui, alors donc, du coup, maintenant, je elle fait pas un long spectacle. Enregistré. Non, mais elle a 4 titres enregistrés. Après, ouais. Sur scène, je pense qu'elle a son 7, mais... Mais voilà, mais effectivement, elle a sorti un seul EP, donc si ça se trouve, on en fait trop maintenant autour d'elle, et puis à la sortie de l'album, il n'y aura plus personne. Enfin, mais voilà, et après, c'est juste qu'on voit comme ça, comme c'est dur en fait, parce qu'il y a une énorme production, et effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de s'enregistrer seul, il n'y a plus besoin de passer par un label, par tout ça. Donc, ouais, mais les labels veulent plus signer, c'est pas compliqué, les labels veulent pas signer. Bah parce que c'est compliqué de signer, ouais. Enfin, on investit 10 000, 20 000 euros sur un artiste, on va vendre 200 CD, même si on a toute la presse, même si on a Télérama, les Un Rock, machin, etc., au final, on vend 200 disques, donc quand on est label, c'est hyper difficile. Mais en même temps, il y a la tournée, il n'y a pas juste le disque. Oui, mais la tournée, c'est pas label qui touche. Non. Donc, ouais, ouais. Donc du coup, c'est là où c'est compliqué. Ouais. Et sur la tournée, le label va toucher s'il y a des ventes de disques, mais les gens n'achètent plus de disques. Donc en fait, on est dans une espèce de cercle vicieux où ce qui marche le mieux à l'heure actuelle, c'est les ventes de t-shirts ou des choses comme ça, tout ce qui est merchandising. Ouais, ouais. On appelle ça des... C'est quoi, des accessoires, là? Des accessoires. Ouais, c'est oui, ça. C'est vrai que nous, on appelle ça le merchandising et vous, appelez ça les accessoires. Ben, sans doute, là, mais il y a des groupes qui, eux, ont vite compris qui peuvent repartir chez toi avec le CD du concert dans lequel que tu as assisté. Là. Tu vas voir un show. Je crois qu'un des premiers, c'est Metallica qui a fait ça. Ouais. Tu te procures le disque dans lequel tu as pu avoir... À la fin du concert. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais en France, c'est ça. Il faudrait trouver, tu sais, on dit que le disque ne se vend pas, mais l'intérêt serait de présenter le disque en tant que tel, mais aussi un DVD où on voit l'artiste qui prépare son album. Tu sais, il faut trouver des idées. Une araignée finit de tisser sa toile au fond de ma tête. Ça fait pas mal, ça fait longtemps que je veux me payer une toile. Debout les bras, plein de joie, araignée couche avec moi. Pour une occasion, c'est une occasion, rouler elle braque pour moi. Dépendu de parler au conducteur. Attention, chute de Tokyo. Risque de se finir dans les décors qui sont de rocher. Deux araignées ont fini de tisser, j'ai la gorge en deux prises. Pas sans toi, je serais plus moi, fallait quelqu'un le dise. J'hésite encore entre l'omelette fouillante et un bol de tapioca. Je pique du nez dans l'addition, à toi de jouer dans tout là. Défendu de parler au conducteur. Attention, chute d'autocar. Risque de se finir dans les décors. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh oh oh oh oh. Parler au conducteur. Attention, je suis... que les souvenirs dans les décors. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai demandé de parler au conducteur. Attention, chute autocar. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Ouais, je Je crois que le disque se vend pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont curieux et curieuses de savoir ben, comment ça s'est passé. On le voit avec ses musiciens, on voit l'artiste en studio. T'sais, ça peut faire un documentaire de 45 minutes et après ça, tu vois le CD terminé. Donc, il faut susciter l'intérêt aussi envers le public. Le public est rendu de plus en plus exigeant, parce que, puis en même temps, pas vraiment, parce qu'ils s'en vont sur Internet et piquer des trucs. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement d'offres qu'on ne peut pas acheter tous les disques aussi. Quoi. Il y a un moment où on ne se rend pas compte, mais il y en a tellement, tellement qui sortent. Et puis, c'est quand même 15-18 euros un disque neuf. Donc voilà, on se rend compte que les gens sont plus prêts à investir dans les... comment on appelle ça, les ulules, les appels de finance, que tu encourages l'artiste. Oui, voilà, puis c'est en ça. Retour, bon, ils vont peut-être, tu vas t'inviter au spectacle, tu vas avoir le disque gratos, autographié avec l'affiche. Exactement, ouais. Et ils préfèrent investir et se jouer producteur de disques que finalement être là au moment où le disque est sorti, etc. Donc, et après, oui. Et c'est vrai que des fois, moi la première, quand j'ouvre un disque et qu'au final, j'ai rien, qu'il y a juste une photo et une pochette vide, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai besoin d'un objet, Oui, mais en fait, c'est vendu le même prix. Donc, moi, j'aime bien avoir un objet, avoir les paroles, avoir les remerciements, avoir le... Enfin, ça compte tout ça aussi, quoi, d'avoir un bel objet et... Mais recevez-vous beaucoup de disques qui ne sont pas dans les grosses machines de distribution? Est-ce qu'il y a des artistes qui te remettent leur propre disque? Ah, si tu écoutes ça, tu crois ce que tu en veux? Est-ce que tu reçois beaucoup de disques comme ça? Oui, bah ouais, mais alors de moins en moins parce qu'on fait de plus en plus de liens. Et alors moi quand ça m'intéresse, je demande quand même à ce qu'il y ait un envoi physique, parce que sinon on les oublie les liens. Ah ouais, moi aussi je demande ça. Voilà, c'est ça, pour c'est qu'on en reçoit. Pour je préfère avoir la pastille, ouais. C'est plus facile. Ouais, j'imagine, ouais. Ah, c'est, ouais. Parce que là, commencer à avoir les MP3, je vais t'envoyer des... Et en plus, on nous dit souvent, ah oh, tu peux avoir ça sur un site là, de comment t'appelles ça, WeTransfer, ou ouais. Non, ouais, puis en plus, les mecs ils mettent pas leur nom, leur machin, donc on se retrouve avec artiste inconnu. Ouais. On sait plus qui fait quoi, machin. À la limite, les SoundCloud, les choses comme ça, je trouve ça plus pratique, mais les WeTransfer, je supporte pas. Et puis c'est vrai que voilà, on en reçoit tellement. À un moment, je me dis, le mec qui a quand même investi dans son disque, a mis un timbre, qui a envoyé un courrier, ou qui vient même me le donner en main propre, bah ça, hein, ça donne cette sensation qu'il s'investit plus et ça donne l'envie de plus s'investir aussi de l'autre côté. Quoi. Après, chacun sa méthode de travail, chacun son. Mais. Est-ce que des artistes avec qui tu restes ami et l'amitié s'est créée à travers la revue? Alors, oui. Ben là, avec ça, ça ne sera pas ouais. Facile. Non, mais c'est parce que j'ai hyper soif, mais je vais... Est-ce que si tu arrives à la traiter... Ouais. Oui, il y en a quelques-uns. Après, moi, j'ai quand même toujours essayé de garder une distance, de garder mes vrais amis qui n'ont rien à voir avec le métier, etc. Il y a toujours une part de moi qui a préféré quand même. Parce qu'on sait qu'on... Tu veux couper les liens, tu veux pas qu'il y ait vraiment une sorte de... Non, mais je sais que demain, si je travaille plus pour le magazine et si je travaille plus dans ce milieu-là, il y en a beaucoup en fait dont j'aurai plus de nouvelles et qui s'intéresseront plus à moi. Enfin... Et en fait, ils essaient de créer une amitié pour pouvoir te... C'est ça, on sait qu'il y a quand même une espèce de passe-droit. Après, il y en a avec qui je me suis vraiment marrée, avec qui j'ai passé de super soirées, de super moments et tout. Mais peut-être que c'est moi qui suis paranoïaque, hein, j'en sais rien. Mais j'ai une tendance à penser qu'après, c'est compliqué parce qu'il y en a que j'aime beaucoup humainement, mais je vais pas aimer un disque qu'ils vont faire. Et du coup, leur dire ouais... Non, mais qu'est-ce que tu leur dis? Bah, je leur dis que voilà, que j'ai bien aimé, mais que on n'a pas la place ou machin. Et, mais du coup, c'est pour ça que je préfère garder la distance. Après, une fille comme Garan, c'est une nana que j'adore, avec qui je m'entends bien, c'est pas ma meilleure amie ou quoi. Mais je sais que ça nous est arrivé de parler profondément, de rentrer dans des sujets plus intimes, etc. Mais... Aussi pour elle, c'est ça aussi. Je vous prends un paille étrange. Ça sera de la doigt rouge, ça ira. Parfait. D'accord. Moi, je vais prendre un jus d'orange pressé. D'orange pressé. Merci. Alors, on parlait de... Ouais, de l'amitié. Les gens qui essayent de s'amadouer un peu ton amitié pour pouvoir éventuellement paraître un... Oui, après, il y en a avec qui ça s'est fait naturellement parce qu'on est dans les mêmes festivals, on soutient les mêmes choses. Mais... Après, c'est, ouais, je pense que c'est moi, de toute façon, aussi, qui ai toujours voulu garder une espèce de distance. Parce que même si c'est un métier passion, ça reste un métier quand même. Et qu'il y a des moments où j'ai de la chance d'avoir des vieilles amitiés, des amis du collège, des amis d'enfance qui sont toujours là aujourd'hui. Et déjà, à un moment, je me rendais compte que j'avais plus le temps de les voir tellement je m'investissais dans le métier. Et puis que je sais que quand j'ai un problème, bah c'est vers eux que je vais aller, et inversement d'ailleurs. Et voilà, après, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais je n'ai pas de très bons, de très grands amis artistes. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont surpris lors d'une rencontre? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu croyais avoir plus de liaison, plus de compréhension, puis au contraire, c'est des gens fermés, obscurs, c'est dur de leur tirer les verres du nez, comme on peut, comme l'expression peut le dire. Ben, en fait, moi, non, j'ai plutôt eu de la chance, je pense que, j'ai plutôt eu de la chance parce que, je pense que la fois où j'ai eu le plus peur, parce que déjà, j'étais toute jeune journaliste et que, voilà, c'était Mano Solo. Et j'ai vraiment eu très très peur d'interviewer... Pourquoi? Parce que son nom était déjà connu? Parce qu'il était très connu, parce qu'il avait une réputation de s'énerver contre les journalistes, machin. Et en fait, ça s'est très bien passé, on a discuté pendant 2 heures. Enfin, j'ai jamais eu de... Merci beaucoup. J'ai jamais eu finalement de mauvaises interviews, de mauvaises surprises. En général, c'est plutôt bien passé. J'ai plutôt été agréablement surprise par des artistes dont je me disais « Ah, ça va mal se passer, il a l'air un peu machin », que l'inverse. J'ai pas... Ouais, en fait, après, c'est peut-être parce que, voilà, je fais bien mon métier. Enfin, c'est con, tu dois savoir, mais quand t'écoutes le disque, eh ben, les artistes, ils sont contents. Quand on arrive et qu'ils sentent qu'on a écouté leur disque, déjà, ils sont... Réceptifs. Ils sont réceptifs. Ils vont aussi t'offrir un peu de leur intimité, donc c'est ça qui est intéressant, comment la chanson est apparue, puis as-tu déjà, parce qu'elle aussi est renommée pour être assez difficile, Brigitte Fontaine, as-tu déjà eu à la rencontrer, mais tu connais un peu ce qui tourne autour d'elle, l'aura d'une femme complexe, fermée, pas trop... Oui, mais pareil, on l'avait mise en couverture du magazine, et j'avais pas, enfin moi je voulais pas aller l'interviewer, j'avais trop peur, j'étais encore trop... Il y a combien de temps? Trop fraîche, il y a Brigitte Fontaine, ça fait un moment maintenant. C'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est son album l'un ou l'autre? Non, je crois que c'est bien avant encore. Prohibition? Ouais, je crois que c'était Prohibition, ouais, okay. L'album. Ouais, donc ça remonte quand même à un et petit moment. Et toi, t'as dit non? Moi j'ai dit non, j'avais trop peur. Et la personne qui y est allée, au final, la personne qui y est allée, elle est un peu barrée aussi, cette personne-là. Ok, alors débarrer ensemble, ça doit être voilà, débarrer. Donc ça s'est très bien passé parce que voilà, c'était deux personnes un peu barrées qui se sont trouvées et qui a dit non, en fait, ça s'est très bien passé. Ce qui est bien avec ce magazine, c'est que c'est des interviews relativement longues. En général, même, enfin, c'est un minimum de 20 minutes, 30 minutes pour une interview. Et ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction du temps qu'on a, que les artistes ont. Voilà, c'est ça, que les attachés de presse veulent bien nous laisser. Mais on demande à ce qu'il y ait un minimum d'une demi-heure. Et du coup, bah, on a le temps de se poser. Et du coup, ça se passe quand même plutôt bien. Et Brigitte Fontaine, c'est toujours pareil. Si on arrive et qu'on n'est pas avec son papier comme ça, bah, a priori, c'est un peu trop éducationnel, ben là ça bloque. C'est ça, ouais, je pense que ça joue elle, beaucoup. Elle, parce qu'elle veut vraiment communiquer. entre deux personnes. Donc, elle ne veut pas se présenter comme étant la Brigitte Fontaine. Oui, c'est ça, exactement. Il ne faut pas jouer les stars. On a eu Didier Super, a priori, qui avait été un peu difficile. Oui, voilà, c'est ça. C'était pas moi qui l'avais fait non plus, mais il avait été un peu difficile sur le coup. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'après, on voit tout au long de l'interview, parce que pareil, c'était le dossier de couverture, que bah, il se détend petit à petit et que les réponses sont un peu plus longues. Mais dans l'ensemble, quand on est dans des trucs comme ça autour d'un café, ça se passe quand même plutôt bien. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, geyser. Pour un peu j'ai trempé, histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore. Subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les fais miennes. T'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né certains. Thomas Fersen nous avait invité chez lui. Dans l'ensemble, ils sont quand même plutôt comme ils savent qu'en plus on va pas faire dans le scandale, qu'on va pas chercher à fouiller dans leur vie privée, etc. C'est l'amour de la musique, des textes, des bons mots, donc ça marche plutôt pas mal en général avec les artistes. Mais c'est vrai que des fois, je suis arrivée très tremblante. Maxime Le Forestier, ça avait été un peu... La première fois qu'on l'avait fait, j'étais comme ça face à lui. C'est un grand mythe de la chanson. Au début, il était un peu froid. Et pareil, petit à petit, il s'est détendu. Mais c'est le personnage aussi. Tu es devant le personnage qui va se dénuder peut-être. Oui, voilà, ouais. Et tu souhaites que ça arrive parce que toi, tu ne veux pas faire un papier trop hermétique. Non, mais oui, on a envie de raconter. En plus, c'est vrai que c'est important. Son disque est tellement humaniste que... Ouais. Il fallait bien représenter l'homme avec ce qu'il proposait comme album. C'est ça. Alors après, il y en a qui vont dire que Maxime Le Forestier, dans le privé, c'est un vrai con, machin, etc. Ça, j'en sais rien. Mais ça, là, c'est quand même quelque chose... C'est un couteau à double tranchant. Au même titre qu'on dit « Ah, James Brown frappait ses femmes », mais là, est-ce qu'on va arrêter d'écouter James Brown parce qu'il battait ses femmes? On va-tu arrêter d'écouter Michael Jackson parce qu'il aimait les enfants? On va-tu arrêter d'écouter Noir Désir à cause de Bertrand Cantat? Là, il faut arrêter. Là. La vie privée et la vie publique, c'est deux choses. Ça, mais c'est le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu trop de presse qui sont rentrées dans les vies privées. Et effectivement, alors c'est toujours compliqué. Moi, quand je suis allée voir Détroit en concert, donc la tournée après la première tournée de Bertrand Cantat, j'étais une grande fan de Noir Désir. Et quand il y a eu cette tournée, je n'arrivais pas à l'applaudir. Et c'est vrai que du coup... Parce que là, il y avait quelque chose entre toi et lui qui ne fonctionnait plus. Là. Bah oui, parce voilà. Parce que tu savais que... Je savais que... Après, je ne veux pas l'empêcher de tourner. Je ne veux pas, enfin, je veux pas les manifester devant les salles de... Voilà, c'est ça. Et je trouve ça très bien qu'il continue de le faire. Et c'est toujours pareil, en plus. Bah, il fait plus, on manifeste... il a arrêté. Ouais, bah il a fini sa tournée. Est-ce qu'il va recommencer? Non, mais il ne veut pas... plus en faire, là. Parce que c'est... Bah non, c'est de la merde. Il veut se rendre au Québec. Ah, il est boycotté là-bas aussi. C'est fou. Mais ouais, parce qu'en fait, écoute, t'as fait de la prison. Je sais que c'est très peu. T'as tué quelqu'un avec une violence inouïe. Mais en même temps, c'est dans l'intime, c'est pas dans le public. Là. Puis on n'était pas là. On sait pas qu'est-ce qui. Ouais, non, mais ça après. Qu'est-ce que suscitait ça? Mais c'est pas non plus une raison pour tuer quelqu'un. Ouais, non, c'est pas. Voilà, c'est pas une raison. Après, oui, c'est. Mais parce que là, il y a le côté féministe. Les femmes ont dit oh non, c'est inacceptable de laisser la place à quelqu'un, un tueur. Et puis, puis là, son ancienne copine est décédée aussi, s'est suicidée. Bon, c'est peut-être pas vraiment la réalité. Mais bon. Ouais, non, mais voilà, on sait pas la vérité. Après, effectivement. Je pense que comme beaucoup d'artistes, c'est un mec, enfin comme beaucoup d'artistes, il a un ego monstrueux. Effectivement, après bon bah voilà, Marie Trintignant elle devait aussi avoir un ego monstrueux. Et voilà, et c'est vrai que c'est des gens difficiles à supporter quand je vois qu'on remet, mais même au-delà de ça, en question des très vieux artistes, des vieux peintres, des machins, des choses comme ça. Mais on peut pas. Enfin, il y a un moment où il faut recontextualiser les choses. Effectivement, à une époque, c'était pas si grave d'aimer les enfants, ça faisait partie d'un. Donc voilà, et aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, tout prend une ampleur de dingue. Démesurée. Après, oui, j'avoue qu'il y a une part de moi quand il va voir Bertrand Cantat et qui se dit, bah en fait, non, je peux pas apprécier, je ne peux plus l'applaudir. Je pourrais écouter ce qu'il fait, je pourrais sentir l'émotion, parce que pour moi, être artiste, c'est aussi avoir une blessure. Donc, quelque part, cette violence qu'il a, enfin, je veux dire, c'est aussi ce qu'on est allé chercher quand on est allé voir Noir Désir en concert, c'était cette violence. Donc, c'est là où c'est compliqué. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu Noir Désir. Oui, je l'ai vu plusieurs fois à Québec, en plus dans une petite salle. Mais là, parce que les gens savent que cette violence-là, c'est née, qui est devenue une violence dans l'intimité. Oui, c'est mais parce qu'elle a sûrement toujours été là, ouais. Cette violence. Enfin, je veux dire, ce qu'il exprime sur scène, c'est aussi une partie de lui. Donc, il a sûrement toujours été violent. Après, il y en a qui expriment leur violence de diverses manières, et l'art aurait dû lui permettre d'expulser quelque chose. Ce qui s'est passé dans cette chambre avec Trintignant, ou ce qui s'est passé avec son ex-femme, on n'était pas là. Ouais. Les histoires, par Denis Barthes, le batteur, bon, bah, a priori, elle l'avait tapé dans le dos, à un endroit où lui avait très mal, il a pété un câble, machin. Enfin, voilà, l'histoire, on la connaît pas vraiment. Et. Il a fait sa peine de prison, il n'y a pas de préméditation, il n'y a pas tout ça. Bon, bah voilà, la justice a parlé. Il a fait 4 ans, comme tous ceux qui font ce genre de. Il n'a pas eu de passe-droit, parce que c'est une star ou quoi que ce soit. Et ça, on l'oublie aussi. Il a purgé sa peine. Ouais, il reprend son métier. Voilà, après, c'est comme si j'apprends que le boulanger. C'est ça. C'est comme si j'apprenais que le boulanger en face avait battu sa femme. Bah, je changerais de boulangerie, puis j'arrêterais d'en faire un scandale. Et après, s'il y en a d'autres qui veulent y aller parce que c'est un très bon boulanger, bah, c'est leur problème. Mais voilà, on est toujours en train de regarder ce que fait l'autre. Enfin, Dans votre revue, parce que je connais le, grâce aux bibliothèques, parce que la revue Bibliothèque de Québec arrive chez nous. Ça, c'est super. Est-ce que vous allez rendre hommage à Nilda Fernandez? C'est déjà... Alors, nous, on part du principe que on rend pas hommage, en fait. On fera pas. Alors on l'avait fait au moment de Mano Solo. C'est pas qu'on n'en parle pas, on mettra une petite ligne, il nous a quittés, machin, oui. etc. Okay. Mais on fera pas de trucs spéciaux, sauf si par exemple il y a une énorme création qui se fait autour du répertoire de Nilda Fernandez, qu'on vient vers nous et qu'on nous dit il va y avoir ça. Là on trouvera peut-être le moyen d'en parler. On en a parlé quand il était vivant, on parlait de ses disques quand il sortait, etc. On n'a pas cette hypocrisie de parler d'un chanteur parce qu'il est mort. On n'a pas rendu hommage à France Gall, on n'a pas rendu hommage à Johnny ou à Higelin, etc. On mettra une ligne pour dire qu'on est triste qu'il soit parti. On a vraiment fait un vrai hommage à Mano Solo parce que c'était un peu comme un parrain pour le magazine. Okay, et qu'il représentait quelque chose. Que quand le magazine, au bout de 2 ans d'existence, a failli couler. Et Mano Solo, avec d'autres, avec Trio, avec... voilà. Non, il nous a envoyé de l'argent, tout simplement. Oui, le nerf de la guerre, il nous a envoyé de l'argent. Et pour sauver le magazine. Parce qu'ils auraient pu faire un spectacle. Oui, voilà, c'est ça, mais bon, c'est trop compliqué à monter, etc. Et parce que c'est à nous de le monter, et après, eux, ils auraient pu venir. Si on l'avait fait, ils seraient venus. Ouais. Voilà, et là, il nous a envoyé un peu d'argent, et il y en a plein qui nous ont envoyé l'argent là, pour sauver bien, le magazine. Ouais. On vit. On est là, on a 3 salaires, on continue toi, de vivre. De, on est 3 salariés, oui, je fais partie de 3 salariés. Donc voilà, après, dire qu'on va bien, non, parce que les tarifs de poste augmentent, parce que c'est compliqué, parce que les budgets des... Il n'y en a plus, mais on bénéficie d'un vrai soutien quand même des artistes et des labels, même des plus gros, des majors, de Barclay, de tout ça, parce que alors, justement... Alors, on vous aide un peu grâce à ces étiquettes de disques. Ben on nous aide par la pub en fait, par la vente d'espace, par l'achat d'espace publicitaire. Okay. Et voilà, et ben, par contre là oui, on est dans des périodes un peu plus creuses en actu, ça va revenir en octobre. On essaye de s'équilibrer. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a moins de pubs, donc on s'équilibre, on arrive à zéro en fin d'année. Voilà, mais c'est vrai que. Ouais, voilà, donc on ne rendra pas d'hommage directement à Nilda Fernandez comme on ne l'a pas fait pour beaucoup d'artistes, mais voilà, on suit quand même, et puis s'il se passe quelque chose autour de Nilda Fernandez, on en parlera, quoi. Comme là, dans le prochain numéro, ça va être ça va être l'anniversaire de la mort de Boris Vian, il va y avoir pas mal d'hommages et tout, et nous on va faire une espèce de truc sur 40 ans de la mort. En plus, 50 ans, 60 ans. Je sais plus. J'ai un trou, bref. Et je sais qu'il y en a un dans le magazine là, qui va faire un truc sur « On voudrait pas crever ». Juste ce titre-là. Et donc, contacter plusieurs artistes qui l'ont reprise. Ah, oui, okay. et savoir pourquoi ils ont repris qu'est-ce ce morceau-là, machin, etc. Eux, donc là, on se dit, voilà, c'est un moyen fun de rendre hommage. De temps en temps, on fait des nécrologies d'artistes morts depuis un moment. Mais c'est vrai que déjà, on a du mal à suivre tout ce qui se fait en scène vivante. Et comme on est là que tous les 2 mois et pas toutes les semaines, et bah, du coup, on peut pas. Alors, c'est revu, donc il faut. C'est ça. Et puis même, c'est vrai que par exemple, Nilda Fernandez, il est mort genre 2 jours après la sortie du dernier numéro. Ah ouais. Donc du coup, si on en parle, ce sera 2 mois après sa mort. Donc il y a un truc, voilà, c'est plus vraiment d'actualité. Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a plus d'intérêt. Mais on se dit, voilà, en fait, tout ce qu'il y a à dire sur lui aura été dit ailleurs. Mais tu savais qu'il devait aller à Avignon, qu'il devait aussi être au même endroit que Sarclo. Puis Sarclo a loué avec 5 artistes un théâtre. Et oui. Nilda devait être parmi eux. D'accord, et, ouais. Il est parti. Oui, parce qu'en plus, il est là, il devait être ce soir à un hommage à Moustaki, à Pose Guitare à Albi. Et du coup, ils vont lui rendre hommage aussi. Parce que oui. Moi, là, c'est le festival où je vais après, là. Il y a pas mal de Canadiens d'ailleurs qui Québécois. Sont des Québécois, ouais. Qui alors il y a pas que des Québécois d'ailleurs, mais Pierre Lapointe. Il y a l'Acadie, enfin tu vois, enfin moi je parle etc. Okay. Là jeudi soir, moi je vais voir les Hôtesses d'Hilaire qui jouent sur la grande scène avant Ben Harper, Garbage et M justement, ça va être genre Mathieu Chédid, ouais. Je l'ai pas vu de ton concert depuis hyper longtemps, donc je suis contente d'aller le voir. Est-ce qu'il a abandonné son personnage ou s'il est encore M? Écoute, ça fait comme je disais là, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je crois qu'il y a toujours un côté M très spectaculaire, etc. Mais c'est voilà, c'est ça. Là, je crois qu'il remet plus en avant la musique. Je suis pas ta poupée canapé. J'existais avant toi. J'existerai après toi. Je suis pas ta poupée canapé. Je suis pas ta poupée canapé. J'avais arrêté justement parce qu'à un moment c'était trop de cœur, de machin. Mais de... là, non, son dernier opus, je sais pas si ça date de quand ce que j'ai entendu. La Momalie, là, ouais, c'est l'année dernière. Ouais. Mais c'est totalement épuré, là. C'est plus, on part pas en vrille, puis totalement épuré. On le sent dans son studio. Il remet au monde de ses chansons, il revient à l'essence même de la musique. Et c'est moins artificiel, comme ça. Ouais, exactement. Mais ouais. Hier, je me disais que c'est un magicien de la guitare, c'est. Parce qu'il y avait deux guitaristes, c'est lui qui tirait l'épingle du jeu parce qu'il a fait une pièce avec, avec Vanessa Paradis qui s'appelait La Scène. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que c'est lui qui l'a écrite, je ne sais pas. C'est lui qui l'a écrite. OK, OK. Et puis après, il s'est retrouvé à la fin, mais avec les deux guitaristes, ça faisait trois avec lui. Hey, c'est lui qui joue admirablement, contrairement à des professionnels aussi comme lui. C'est un virtuose de guitare comme Jimmy Hendrix. Bah, c'est exactement ça, c'est un virtuose. C'est-à-dire que c'est peut-être pas celui qui a le plus de technique, et encore, il a une très belle technique, mais il a une, c'est un supplément d'âme, en fait. Quoi. C'est vraiment M, c'est, ouais, il a c'est il comme fait Frampton, parler sa guitare. Là, le chanteur américain Frampton qui fait chanter sa guitare, qui fait parler sa guitare. Il est hallucinant, il est vraiment... puis il pétait le feu hier, donc ça va promettre pour... Est-ce qu'il y a des artistes que vous suivez, des jeunes artistes que vous suivez, leur cheminement, ou s'il y a tellement d'un flow de chansons et de disques, s'ils se représentent, bien, c'est tant mieux, sinon bien, on les oublie. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des fois où je repense à tel ou tel artiste, ouais, c'est et puis ça, je me dis, bon, voilà, qu'est-ce qui vient. Alors, on a créé une rubrique qui s'appelle « Quoi de neuf ?» justement, et de temps en temps, comme ça, là, j'ai interviewé Mel, je ne sais pas si tu te rappelles, de la chanteuse Mel, qui faisait un peu du punk, enfin, de la chanson, mais avec un look de punkette et tout, machin. En français ? En français, ça, ouais, carrément. Et elle vit là-bas, maintenant, quoi. Ah oui, ben, comme... Elle vit à Montréal. Comme Muriel Moreno. Ah oui, elle vit là-bas aussi. Tu connais Muriel Moreno? Ouais. Bah, c'est la chanteuse de Niagara. Oui, c'est ça. Ouais. Elle fait de l'électronique depuis 10 ans à Montréal. Ah bah c'est très drôle parce que Mel aussi, elle fait pas, enfin pas de les, enfin mais comment tu l'écris, des musiques électro, M-E-2-L. Elle est à Montréal actuellement. Et là, elle est venue, enfin, elle est étudiante sur l'électroacoustique, elle enseigne de l'électroacoustique. Un peu comme Émilie Simon. Ouais, voilà, exactement. C'est exactement le même style de cheminement. Après, on essaye de rester fidèle aux artistes quand ils ressortent des disques. Après, il y en a effectivement qu'on voit tourner en rond depuis 10, 15, 20 ans, sortir toujours un peu la même chose. Et c'est là où je dis que les amitiés sont compliquées. C'est vraiment les artistes avec qui on a grandi à un moment, dont on a été très proches et qui nous ont portés, mais qu'on voit un peu tourner en rond et qu'ils n'ont pas progressé en chant, qu'ils sont toujours dans cette scène. Oui, mais tu trouves pas ça difficile à... On porte un jugement, là. Hein? Ils tournent en rond. Mais pour eux, peut-être, c'est pas ça. C'est... Oui, mais voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, on en voit apparaître tellement de nouveaux. Avez-vous des discussions ensemble? Ben, vous êtes juste trois, là, le groupe, pour à savoir, est-ce que c'est juste moi qui crois que c'est ça ou si c'est tout le monde? Est-ce que c'est un consensus quand tu dis ils tournent en rond? On en parle. Alors, les on trois... en parle. C'est-à-dire que moi, par exemple, on va dire machin, elle tourne un peu en rond, et l'autre qui va dire ah, moi j'ai adoré son dernier disque. Ouais, bon, alors... Voilà, donc du coup, après, on le repropose au reste toi, de l'équipe, on est trois salariés, après, il y a des est-ce que tu restes avec la même opinion et tu me dis qu'il tourne en rond? Non. En sachant bien qu'il y en a d'autres dans ton équipe qui croient qu'il y a une évolution. Comprends-tu? Bah, après, il y en a qui. Enfin, toujours pareil, il y en a qui. Ils cherchent pas l'évolution, qui ont envie d'écouter les nouvelles chansons, et si c'est toujours un peu la même chose, bah ça les dérangera pas. Alors que moi, je pense à une chanteuse qui s'appelle Géraldine Torres, qui est pas hyper connue, que j'aime bien, mais qui a toujours chanté un peu faux. Et moi, ce que j'appelle tourner en rond, c'est bah il y a un moment où on a envie de lui dire, ça fait 20 ans que tu chantes, tu aurais peut-être pu prendre un ou deux cours de chant pour apprendre mais à chanter juste. Peut-être que c'est son style. Jane Birkin a fait carrière avec son style. Oui, mais Jane Birkin, il y a quand même il y a quelque chose un peu à fleur de peau. Mais moi, Jane Birkin m'énerve un peu, par exemple. Ah, voilà, ok. Okay. Alors, tu as des préférences. C'est pas, oui, la revue qui parle, c'est toi. C'est moi, ah okay, oui, carrément. Okay. Mais c'est pour ça que moi, on peut pas être d'accord, même le rédacteur en chef, il y a des fois où il a pas forcément envie de faire tel article ou tel article. Mais s'il y a une forte demande dans l'équipe, ou si moi je dis, ou Christian, le créateur du magazine, dit qu'il a bien aimé ce disque, et bah, le rédacteur en chef, il va se plier. Et il écoute beaucoup les bénévoles. Ce dont ils ont envie de parler, etc. On a tous des goûts très différents. Et c'est éclectique. C'est assez éclectique, en fait. C'est ce qui fait aussi la richesse du magazine. Et c'est en plus, moi je suis à Paris, le rédacteur en chef il habite à Lille, ouais, celui ça. Qui a créé le magazine. Mais là, la revue, le siège social est à Lille. Le siège social est à Rouillac, à côté d'Angoulême, dans, okay. dans le sud-ouest. Okay. Et après, on a un journaliste, donc les bénévoles, il y en a une à Bordeaux, okay, il y en a des à Auxerre. Oui, c'est des bénévoles qui écrivent dans le magazine. Alors, s'il y a un Québécois qui veut se retrouver dans votre revue, il vous envoie un papier parce qu'il pourrait faire une chronique québécoise. Alors, on aimerait bien, à chaque fois on propose des trucs et puis finalement, on avait fait ça, on voulait faire ça avec Louis, je sais pas si tu vois, de Francophonie Express. Un Québécois? Oui, qui est à Montréal aussi. Après nous, ce qu'on fait quand même, ce qu'on essaye de faire, c'est tous les ans, on a la chance d'être invité au Franco de Montréal et normalement à Tadoussac qui est grande et petite vallée. Mais et là, cette année, il n'y a personne au festival d'été, mais là, on n'a pas eu les invitations. Moi, là, cette année, je vais partir à Francofête en Acadie aussi. Oh, et donc, du coup, voilà, on ramène. Tu seras ? Non, mais non. Non? Non. Parce que moi, j'ai plusieurs boulots, donc je peux pas... D'accord. Ouais. Et du coup, voilà, là, j'y vais en novembre. Et parce que je suis jamais allée en Acadie, je me suis dit, voilà, mais d'habitude, je vais plutôt au Franco de Montréal. Et on essaye de ramener plusieurs interviews qu'on va caler. Il y a un Québécois par numéro. Oui, oui, oui, bah ouais, c'est ce qui me fait le plus peur, je t'avoue, parce que j'ai pas envie d'acheter des fringues spécialement pour ça. Ah, non. Mais après, je pense qu'on est pas mal en intérieur, mais... Mais novembre, ouais. Ouais, oui, non, tu disais quelque chose en fait. Je disais qu'en fait, on se débrouille pour que dans chaque numéro, il y ait un Québécois, en fait. Quasiment chaque numéro, il y a un Québécois, ouais. Parce que là, cette année, on n'a pas été invité. Enfin, c'est Christian, là, mon patron, qui n'a pas été à Tadoussac, mais lui, il se débrouille pour faire 6 interviews. Il y a 6 numéros par an. Il y a tellement de monde à Tadoussac. Et voilà, il y a tellement de monde qu'on se débrouille. Ouais, il y a toujours, quasiment dans tous les numéros, il y a le prochain, ça va être Hubert Lenoir, je crois. Hubert Lenoir, oui. Voilà, enfin, il y a toujours, on se débrouille. On se débrouille et puis après on reçoit des disques, on les reçoit en lien, on est pas mal en lien avec la grosse boîte, avec je sais pas quel label, machin, pour essayer de toujours avoir des Québécois. On essaye de bosser aussi avec la Suisse et la Belgique, mais force est de constater que c'est avec le Québec que ça se passe le mieux et qu'on a le plus de connivence. Oui, bah ouais, parce qu'en fait on se bat pour la francophonie et que finalement... Ah, mais nous on se bat tout le temps, c'est ça, pour le français. Mais c'est vrai qu'en France on se rend compte qu'on se bat pas pour le français. Et c'est triste en fait. Et c'est aussi pour ça que ce magazine est très apprécié au Québec. Mais ce qu'il faut, ouais, effectivement, c'est vrai. Mais ce qu'il faut aussi dans ce métier-là, et tu l'as incroyablement, c'est l'énergie, c'est la passion. Tu as la passion. Ouais, bah ouais, il faut, ouais. Bah ouais, on fait pas ça pour l'argent. Hein. Non, sinon, c'est un gag, ça. Donc oui, c'est la passion, c'est la pêche. Après, effectivement, quand t'as 20 ans, t'es en concert tous les soirs, machin, c'est génial. Maintenant, c'est 2-3 concerts par semaine, grand maximum. Parce qu'à un moment, t'as une vie de famille, t'as aussi, enfin, tu vois, et encore. Et pareil, faut apprendre à se préserver aussi, quoi. Il y a un moment où ta santé, tu l'as, enfin... Parce que l'énergie, à un moment donné, faut aller la puiser. Ouais. C'est ça, faut aller la puiser, exactement. Et puis, justement, après, t'as l'impression de toujours écouter la même chose. Tu vas en concert, t'as besoin de te nettoyer les oreilles. Et effectivement, tu vois, moi, à chaque fois que je vais au Québec, je me prends une claque, quoi. À chaque fois, quand je vois l'ambiance des concerts québécois, etc., enfin, les artistes. Et puis, il y a encore une vraie place laissée à l'art, je trouve, au Québec. Parce que il y a très peu de gens seuls sur scène, finalement. Il y a encore des vrais groupes, des vrais bands, comme on dit là-bas. Et il y a vraiment une grande place laissée à la musique. Alors qu'en France, on est dans une espèce de recherche de rentabilité. Hein? Mon oncle Serge. Ah, j'adore, ouais. Ok, ouais. Mais ça, c'est crash, là. Ah, ouais, mais lui, il a Pépé et sa guitare fabuleux. Aussi. Hein? Pépé et sa guitare. Ah, celui-là, je le connais pas. Ah, mais Pépé et sa guitare, là, l'intérêt, c'est qu'il a fait un album, son premier album. C'est toujours ce qu'il y a de mieux, un premier album, hein, parce qu'on met tout ce qu'on a emmagasiné depuis des années. Après ça, ça commence à s'effriter. C'est ça le drame pour chaque album. Mais Pépé et sa guitare, à un moment donné, je crois que c'est pour son troisième album, il a fait uniquement des reprises de chansons francophones, comme Joe Dassin. Mais à la sauce, Pépé et sa guitare, c'est-à-dire qu'il t'envoie un peu de trash. Un peu punk, ouais, d'accord. C'est merveilleux. Pépé et sa guitare, d'accord. Pépé et sa guitare, ouais. Ben, comme ça se dit, là, Pépé, Pépé accent aigu, Pépé accent aigu. Et à un moment donné, il y a, sur son premier album, c'est Le matin, un café, un joint. D'accord. Tu vois un peu. Des chansons de 2 minutes. Accroche. Ben oui, c'est des chansons qui punch. Et un peu comme mon oncle Serge, ça punch. Mais c'est ça le problème, c'est qu'au Québec, comme partout ailleurs chez vous, on a des artistes qui sont redondants et qui reviennent constamment. Pierre Lapointe, dans les gros standards, Diane Dufresne, mais on oublie aussi les petits comme mon oncle Serge qui fait Cavalier seul, hein, qui a sa propre maison sa propre étiquette de disque. Ouais, c'est marrant, mais moi j'ai l'impression qu'il y a plus de place pour les artistes comme Benoît Paradis, comme tout ça. Enfin, on a l'impression que. Il y a quand même de l'espace. C'est le gouvernement aussi qui pose beaucoup d'argent. C'est? Le gouvernement amène beaucoup d'argent. Ouais. Parce qu'on sait, et surtout au Québec, la culture, c'est ce que représente la société. Si tu n'as pas de culture, tu n'as pas de société. Oui. J'aimerais que ça cesse, cesse. Être seul, sans un bénéf, F, S, D, F. Ce qui me blesse, S, S, c'est être cédé, D, pour pas mes F, F, F, S, D, F. J'ai rien en caisse, S, S, rien à fonder, D, j'ai pas le téléphone, F, F, S, D, F. J'ai pas d'adresse, S, S, rien à garder, D. J'ai pas de sous-chef, F, F, S, D, F. On veut me rabaisse, S, S, on veut me céder, D. En baronnie, F, F, F, S, D, F. La politesse, S, S, rien à glander, D. Je dis sans bref, F, F, S, D, F. Même la comtesse, S, S, ne m'en garder, D. Aucun grief, F, F, S, D, F. J'ai trop de paresse, S, S, pour musarder, D. Dans votre fief, F, F. Chacun sa messe, S, S, et ses idées, D. Chacun sa nef, F, F. Marie-Joseph, F, F, S, D, F. Pour qu'on se redresse, S, S, c'est le verbe aider, D. Qu'il faut qu'on se greffe, F, F, S, D, F. Et je vous laisse, S, S, je vais jouer D. J'ai le père Youssef, F. Quelque part là, dans le nord, là. Plus de radio pour nous. Alors, tout est sur Internet. Ouais, bah ouais, c'est, ça m'étonne pas. Ben, ouais, mais c'est fou parce qu'on peut pas vraiment l'écouter, peut-être avec un cellulaire. Ce qui permet en fait d'avoir. Mais sinon, tu peux plus écouter la radio comme tu le faisais avec ta radio puis tes écouteurs. Ouais, bah ouais, c'est ça qui est un peu dommage, mais bon, je me dis qu'on va finir par trouver la solution. Tu peux les enregistrer, tu peux les télécharger, ouais, les podcasts, les machins. Ouais. Enfin, tu vois. Il y a la version française du podcast, hein, c'est balado diffusion au Québec. C'est vrai? Ouais, c'est beau. C'est comme courriel. Courriel, ça a été inventé au Québec. Ouais. Au lieu de dire email, courriel, au lieu de dire podcast, balado diffusion. Ouais, mais j'aime beaucoup à chaque fois. Il n'y a pas longtemps, j'avais appris l'auto-portrait au lieu. Non, l'ego-portrait à la place du selfie, j'avais trouvé ça beau. L'ego-portrait, ouais. L'ego-portrait, je trouvais ça beau aussi comme mot. Ah oui, mais. En étant menacé, on est original. Ouais. Ah, mais Sophie, merci d'appuyer. Ah oui, mais. Stéphanie. Stéphanie. Ouais. Pas de Stéphanie. Et puis en plus, c'est le nom de mon ancienne blonde, donc je devrais m'en souvenir. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, as-tu des projets, à part en Acadie? Bah déjà arrivé à faire. À continuer le magazine. Là, il y a le festival Pause Guitare et il y a l'Acadie. J'aimerais bien retourner à Montréal l'année prochaine, au Franco de Montréal. Mais là, c'est la revue qui va t'amener à Montréal, c'est ça? Oui, c'est la revue. Parce que c'est toi qui paye ton avion? Non, c'est les festivals qui nous avaient. Alors là, l'Acadie, on va payer, c'est moitié-moitié. Okay. Montréal, en général, c'est eux qui payent. C'est le festival qui paye. Ouais, ils ont beaucoup d'argent. les Franco de Montréal, je pense. Et ouais, ah, ils payent. Montréal, ouais. C'est comme le festival de jazz. Oui, voilà, c'est le plus gros festival de jazz au monde. C'est ça, c'est des gros budgets. Après, ils nous demandent quand même, voilà, il faut faire du live report, etc. Même si on n'a pas aimé, il faut qu'on écrive, il faut qu'on ait des papiers tous les jours, machin, etc. Ils ne nous invitent pas à venir en vacances, quoi. Mais effectivement, ils nous invitent parce qu'ils aiment vraiment le magazine, le média, etc. Donc. Avez-vous une place pour le jazz francophone ou. Bah après, c'est toujours pareil, c'est qu'on n'en reçoit pas beaucoup. Okay. Donc voilà, on a toujours de la place. Il y a un artiste qui fait du jazz bien. Il y en a quelques-uns. Humbert, il se rapproche un peu du jazz, tu vois, ce genre de choses. Après, il n'y en a pas tant que ça. Tom Poisson, oui, voilà, ouais, Tom Poisson, les Fleurs de Joie, etc. Il est très très chouette. Ouais, mais il s'est dirigé après ça vers la musique enfantine. Ouais, ouais, puis là, il fait un truc, les Fouteurs de Joie, qui est plus dans l'humour. Donc voilà, et là, il ressort un album, je crois. Enfin, okay. Voilà, c'est le mec qui. Ça va rafraîchir un peu le climat, parce que souvent les chanteurs et les chanteuses sont plombés. Hein. C'est des sujets quand même assez durs, assez lourds, leurs conditions en tant qu'être humain en 2019. Puis il y a des hommes et des femmes comme lui qui explosent un peu, qui nous font rire, comme les Wampas. Mais on entend beaucoup moins parler de ces groupes-là, Wampas. Ouais, non, c'est dur, bah, c'est rare, hein, c'est toujours le même problème. Alors, les Wampas, a priori, il y a un album qui va ressortir, qui devait sortir là et puis qui finalement est reculé. Ah, c'est ça. Enfin, voilà, ça devrait arriver en 2020, début 2020, je crois, comme ça. Donc ouais, ça va arriver, mais en espérant qu'ils aient un peu d'espace, ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus les clips, il n'y a plus les machins, enfin, je sais pas. Ils n'ont jamais eu vraiment beaucoup d'éclat médiatique, à part Chirac en prison. Oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, ça leur va bien. Ces groupes, ben voilà, ils vont beaucoup tourner sur les festivals, il y aura toujours un public pour venir les voir. Mais quand tu dis qu'ils ont un travail en dehors de la musique, c'est quand même hallucinant, les Wampas, ouais. Hein, les groupes qui. Ça permet peut-être de garder aussi un peu la tête froide. Je pense que ça les. Mais il y a quelques musiciens qui ne font que ça, là, la musique. Là. Il y a, comment il s'appelle, Tony Truant. Oui. Tony Truant qui, lui, écrit même son propre matériel. Ah, c'est drôle ça. Ouais, donc il reste à midi, il était parisien, là, comme ça coûte trop cher, il est parti à Marseille dans ce coin-là. Ouais. Et puis. Ce qui n'est pas donné non plus, mais. Ben, là, je ne sais pas si c'est. Peut-être un appartement de sa mère ou je sais pas quoi, mais il suit toujours les Wampas, hein, c'est le guitariste et le plus jeune arrivé dans le groupe. Parce que je crois que ça fait 7 ans qu'il joue avec les Wampas. Puis c'est un bonhomme qui est toujours créatif, toujours un peu branché 70, là, qui a toujours le même habit, je sais pas si... Ouais. S'il lave ses vêtements, mais il est collé avec ça. C'est le genre de mec, tu ouvres le placard, tu vois 57 fois le même t-shirt. Ah oui, ça doit être comme moi. J'ai juste les mêmes marques, j'ai le même soulier. Même. Eh bien, Stéphanie, merci beaucoup. Alors, c'est diffusé quand, tout ça? À la rentrée. D'accord, tu nous préviendras. Tu vas être au courant, mais je prends des photos. Vas-y, je t'en prie. Ok, parfait. Pour qu'on puisse voir. J'aurais presque été vexée. Ben oui, mais là, t'attendais ça. Ben, disons, quand je vois toutes les photos, mais moi, je suis pas là. Ouais, c'est ça. Non, mais je me dis après, peut-être que tu fais du tri en fonction de qui tu connais depuis longtemps. Non, c'est les photos pour tout le monde. Mais il m'est arrivé l'année dernière, ben, pour des raisons, peut-être, parce que j'étais pas dans ma plus grande condition. Ma mère est décédée pendant mon voyage à Paris. Donc, j'ai oublié quelques artistes, dont trois. Et je m'en suis toujours voulu, mais cette année, je les ai rencontrés pour prendre des photos par question. En fait, tu fais ça tous les ans? Oui, c'est une maladie mentale. C'est, d'accord. À chaque année, même période. Même période, fin juin, début juillet, je m'en vais toujours le deuxième lundi du mois de juillet. D'accord. C'est ton toc. C'est ça, c'est 9 jours. 9 jours. C'est fou comme ça. Hop! Et voilà. Ah, moi, je me mets à genoux quand même. Ah. Je suis comme Eddie Mitchell. Pas Eddie Mitchell, mais je suis comme Johnny Hallyday. Je me mets souvent à genoux. Hey, salut, Karim, comment ça va? Non, c'est. Ok, parfait, on y va. Ok, on y va. Attends un peu. Il vient de squatter ma photo, je suis dégoûté. Non, on va la faire tout seul après. Vous pouvez souper aussi moi. Oui, ben oui, bientôt. Pis, hein. Bientôt. Je rigole. Ok, on y va. Karim, c'est à toi après. Ah! Ok, on y va. Salut! Il est encore là, il est là! Ah, ok, on va le faire seul, ok. Il l'a fait, ok. J'aime bien le côté photo. Oui, ok, on y va, dernière. Merci! C'est bon, merci! Ben, c'était très sympa, en tout cas. Ben, moi aussi, puis on va se retrouver à Québec, à un moment donné. Ben, j'espère. Ben, si tu vas à Montréal, tu me le diras, je ferai un petit voyage, c'est 2h30. Oui, je sais. Et ouais, on n'a pas de TGV, malheureusement. Ouais. On prend le train ordinaire, et c'est très, très, très, très rapide. Ben, c'est très lent. Quand d'accord. Tu sais qu'en TGV, tu peux prendre 45 minutes pour te rendre à Montréal, là, avec le train traditionnel, c'est long, c'est long, c'est long. Ouais, ben, c'est un peu dommage de ne pas le développer et d'inciter encore. Pour ben, faire la bise, on est en France. Ah, ben oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'attaque en procès ici. Non, non, heureusement, c'est Kayem, un musicien qui a travaillé avec bien des chanteurs. Oui, je sais, je connais sa tête. Alors, on ne s'est jamais rencontré, mais je connais son visage et tout. Ah, ben voilà. Okay. Oui, c'est ça. Non, mais on va avoir deux photos avec lui. Merci. Et ben, merci beaucoup. Puis c'est moi en tout qui paye, ça me fait plaisir. Ah, ben ok, super. Okay, merci. Merci. Salut. Bonne journée à vous. Merci, toi aussi. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont parties. Et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie. Grandit et fleurit, dansant et livré au bourdon farouche des sales bouches. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.